Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Fatima Belaredj. Bonjour Julien Vidal. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Je tiens avant tout à remercier la NEF, qui est le partenaire de ce podcast. La NEF, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Et pour moi, c'est un partenariat qui me permet de continuer de vous faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année, comme aujourd'hui avec Fatima. Fatima, vous êtes déléguée générale de la Confédération Générale des SCOP depuis 2018 et c'est le réseau des sociétés coopératives et participatives, donc c'est ce qu'on appelle les SCOP, mais aussi des sociétés coopératives d'intérêt collectif, ça c'est les SCIC, et des coopératives d'activité et d'emploi. Ça fait beaucoup d'acronymes, mais il fallait qu'on le dise, et tout ça, ça a lieu en France. Aujourd'hui, nous échangeons à distance et pour les vacances d'été, pour le podcast 2030 Glorieuse, moi je voulais qu'on prenne un peu de hauteur et donc pour cette épisode, je vous propose un format un peu différent avec une personne qui arrive avec son expertise pour éclairer les 2030 glorieuses, notamment sur la question des métiers. Et là, en l'occurrence, avec Fatima, on va parler de la pertinence du modèle coopératif face aux enjeux de notre siècle et de son impact au niveau micro et macro sur les emplois partout en France. Pour commencer cet échange, Fatima, avant de rentrer dans cette thématique des métiers, je me permets de vous poser la question que je pose à tous mes invités pour lancer l'interview. Imaginez que vous êtes dans le cadre d'un événement où vous êtes amené à rencontrer de nouvelles personnes. Forcément, dès le début de la conversation arrive la fameuse question fatidique qu'on en vient presque à redouter. Et vous, vous faites quoi dans la vie? Qu'est-ce que vous répondez? Et là, je me projette en me disant, il faudrait que j'explique ça simplement. Eh bien, moi, ce que je fais dans la vie, c'est que je fais un métier passionnant au service d'entreprises qui sont des entreprises vertueuses, qui ont une finalité de mettre l'humain au cœur de leurs préoccupations, tout en étant des entreprises de production dans différents secteurs. Et donc, c'est ce métier qui permet à la fois d'accompagner ces entreprises dans leur création, mais aussi dans leur développement, et d'imaginer et de travailler avec toute une équipe au niveau national pour les outiller, que ce soit en termes de communication ou avec de beaux outils financiers qui ont été imaginés par des anciens, parce que c'était il y a un peu plus de 50 ans, mais des outils financiers qui permettent à ces entreprises de ne pas dépendre uniquement des autres, mais de disposer aussi de financements qu'eux-mêmes ont mis en commun, en solidarité, pour aborder les temps fastueux quand on a des projets de développement ou les temps un peu plus difficiles quand on est en difficulté. Ces outils financiers permettent d'être un effet levier avec nos partenaires bancaires, comme la NEF, qui est un très grand partenaire, très proche de nous, mais d'autres banques aussi, comme le Crédit Coopératif ou des banques un peu plus classiques. Vous, en tant que déléguée générale, Fatima, vous êtes l'éclaireuse, vous êtes la chef d'orchestre, vous êtes la tisseuse de liens, vous êtes la démineuse. Concrètement, à quoi vous dédiez exactement votre quotidien? Quelles sont les tâches qui vous occupent majoritairement? J'ai trois tâches principales, en fait. Une tâche assez classique qui est celle d'animer une équipe, Donc, je peux être démineuse à ce moment-là parce que cette équipe, elle est en relation avec beaucoup d'externes. Et voilà, donc j'ai surtout dans cette tâche-là un appui pour que cette équipe puisse travailler dans les meilleures des conditions. Ensuite, une tâche d'animatrice de réseau, en fait, puisque on est organisé avec des entités à la fois régionales, puisqu'on couvre l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin, avec 9 unions régionales. Et puis, on fédère aussi des fédérations de métiers dans les métiers du bâtiment, de l'industrie, de la communication. Et puis, une toute dernière fédération qui a été créée il y a 2 ans maintenant, un petit peu moins, qui est la fédération des CAE. Donc, animer ce réseau pour que ce réseau qui travaille spécifiquement pour toutes les scopes et pour toutes les cycles, font que 1 plus 1 est égal 3, par exemple, en associant tout leur savoir-faire. Et puis un dernier métier, une troisième tâche, on va dire, qui est une fonction plutôt de représentation et de plaidoyer pour mieux faire connaître le mouvement coopératif et faire évoluer la législation pour que les SCOP et les SIC puissent grandir, être reconnues en fait pour le bien qu'elles font à la cité. Parce que moi, je suis une grande convaincue que ce type d'entreprise qui fait partie de l'économie sociale et solidaire sont les entreprises de demain, avec un modèle qui est d'abord là pour servir les citoyens, servir les territoires, avec beaucoup de justice et de justesse, hein, de justice sociale, on va dire, notamment sur les questions des rémunérations, de la répartition en fait des gains que peuvent avoir une entreprise, et puis de justesse parce que en ayant toujours en tête les dimensions sociétales qui sont nos enjeux, en fait, vraiment nos enjeux bon, actuellement avec ce qu'on connaît en termes d'urgence écologique, mais plus globalement de faire vivre en fait les gens de par leur métier un territoire. Justement, Fatima, vous parlez du monde d'après qui en fait existe déjà et on y reviendra. Mais vous qui faites partie de ce milieu en effervescence avec des valeurs fortes, j'étais quand même curieux de voir comment vous analysiez le manque criant d'ambition de ce qui est fait actuellement la norme de l'économie libérale en fait, et de savoir pourquoi justement notre économie libérale elle a besoin d'être remise à plat et d'être dépassée. Comment les expériences que vous menez, les rencontres que vous avez au quotidien, elles éclairent toutes les faiblesses de notre modèle actuel. J'entendais une femme politique que je ne citerai pas, mais que je trouvais très juste dans ces termes. C'est que quand on parle d'économie, on a l'impression qu'il faut être sérieux et que pour être sérieux, c'est être libéral, comme si c'était le modèle pour pouvoir être compétitif vis-à-vis de l'international, vis-à-vis des très grandes entreprises, etc. Ce que je trouve en fait être un postulat de départ qui est, excusez-moi du terme, un peu à côté de la plaque. Parce que la réalité de notre économie, c'est que on a beaucoup de petites entités, de petites entreprises, hein, de TPE, PME, hein, qui font l'essentiel en fait, hein, de cette économie. Alors, qui, dans les règles de 80-20 là, qu'on évoque souvent, font partie en fait, la majeure partie en fait, des entreprises. Et que c'est celles-ci pour lesquelles il y a le plus besoin de structuration, d'accompagnement. Et on a la chance d'être dans un pays où on a cette structuration qui est possible. Mais cette gêne liée à ce sérieux qu'il faudrait avoir en étant le plus gros, et comme si il fallait absolument suivre ce modèle-là, écrase en fait toutes les initiatives qui sont pourtant très sérieuse, puisqu'en fait, c'est ce qui crée le plus d'emplois dans l'économie française et que moi, je trouve qu'on devrait mettre l'accent en fait sur ces initiatives de manière beaucoup, beaucoup plus forte et surtout, du coup, politiquement, d'y consacrer les moyens essentiels. C'est Aurélien Barraud qui reprend souvent, qui essaie de se réapproprier le pouvoir du mot sérieux. Justement, en général, devant des économistes libéraux, en disant que si on était vraiment sérieux, alors on se rendrait compte que une humanité qui dédie son énergie à la génération d'une simple croissance économique au détriment de tout le reste du vivant n'a rien de sérieux. Et donc, dans ce que vous dites aussi, j'ai l'impression qu'il faut aussi oser reprendre ce vocabulaire et d'oser s'asseoir et se présenter en tant que quelqu'un de sérieux à partir du moment où on promeut et on expérimente et on participe à une économie qui est durable, solidaire, engagée et vectrice d'autres croissances, en fait. C'est ça que vous dites? Ouais, exactement. Et enfin, c'est très intéressant ce que ce monsieur dit parce que moi, je revendique que nous faisons partie de cette économie sociale et solidaire qui a quelques fondamentaux, qui est le partage de la gouvernance, la répartition des richesses et plein d'autres. Bon, on va peut-être pas rentrer dedans, mais qui est le bien commun. Les entreprises sont collectives, donc elles appartiennent à la fois à tout le monde et à personne. Du coup, il n'y a pas de revente possible. Ça, pour moi, c'est très sérieux. Ça, c'est très sérieux parce que il y a besoin de ces fondamentaux pour avoir une répartition des richesses juste et équilibrée. Et l'ESS n'est jamais prise au sérieux. Là, vous voyez, le gouvernement vient d'être nommé, mais quand il a été juste après les élections présidentielles, on a fait la première mouture du gouvernement. Il n'y avait pas de. L'ESS n'était pas dedans. Bon, et on ne savait pas, en fait, si on aurait un secrétariat d'État. La dernière fois, il y a eu d'abord un haut commissariat, à défaut d'un secrétariat d'État, même s'il a suivi par la suite. Je trouve ça bien dommage, en fait, parce que je trouve que cette économie, en fait, elle a beaucoup, beaucoup d'avance. Elle a vraiment beaucoup, beaucoup d'avance par rapport à l'économie libérale. Beaucoup d'avance parce que. Elle est innovante, elle est prête à perdre de l'argent parce que voilà, il faut créer, puisque le thème c'est des nouveaux métiers. Et qui dit nouveaux métiers dit aussi une nouvelle économie. Et cette nouvelle économie, je pense qu'elle est de plus en plus ancrée sur le local, le territorial, etc., pour être vraiment dans cette proximité. Et que ça demande à prendre. Des risques qui sont importants. Donc, quand on parle d'innovation, c'est sérieux. Quand on parle de l'économie sociale et solidaire qui pourtant invente des choses tous les jours, c'est moins sérieux. Et c'est moins sérieux parce que la recherche n'est pas forcément de faire de l'argent et montrer qu'on est capable de ça. Et quand on prend un petit peu de distance avec ça, on se rend compte que cette économie, non seulement elle crée de l'emploi, mais elle crée aussi. Elle fait aussi des bénéfices, elle est réinvestie. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est très, très sérieux. C'est très sérieux, c'est très solide et ça prend des risques comme assez rarement, en fait, dans le monde économique. Et d'ailleurs, vous dites que ces modèles de l'ESS, c'est le fameux monde d'après qui existe déjà. Pourquoi, pour vous, en fait Il n'y a rien à inventer d'une certaine manière parce que tout est déjà là. Ça, c'est en fait quand il y a eu l'apparition du Covid, cette période de sidération que nous avons tous eue en mars 2020, ce qui était très très intéressant dans les lectures de la presse quotidienne ou plus largement, c'était il faut inventer le monde d'après. On ne peut plus continuer tel qu'on l'a fait, à courir après on ne sait plus quoi d'ailleurs. Et donc, je trouve que ce qui était très intéressant à ce moment-là, c'était un peu tous ces écrits. C'est-à-dire que d'un seul coup, cette sidération amenait en fait le commun des mortels à se dire on a fait un peu n'importe quoi dans le passé et donc on va se ressaisir. Pour se recentrer sur des fondamentaux qui sont le bien vivre ensemble, qui sont de ne pas courir sur du lucratif à tout va, etc. Et ça nous a un peu sourire, hein, nous, au niveau des scopes, mais plus largement dans l'économie sociale et solidaire, mais ça nous faisait sourire parce qu'on se disait, tiens, c'est une prise de conscience qui va être, qui est la bienvenue. Et en se mettant autour de la table et en réfléchissant à ce que nous, nous pouvions apporter en termes de contribution pour, allez, je vais dire les termes, même si ça pourrait paraître naïf, ça n'est pas du tout, en fait, pour un monde meilleur et un monde économique meilleur, notamment. Et là, en fait, on s'est dit, mais ce qui serait vraiment bien, et je le dis sans orgueil et avec beaucoup, beaucoup de sérieux, c'est que l'économie en général s'inspire en fait des principes de l'économie sociale et solidaire. Parce que le monde d'après, il existe déjà. Et ça a été notre manifeste, hein, à force de l'évoquer, on s'est dit, mais tous ceux qui sont en train d'écrire sur ce que devrait être le monde d'après, en tenant compte en fait de ce qui nous entoure, en étant préoccupés d'utiliser en tout cas notre terre sans la dégrader, etc., et ben c'est déjà le cas d'une économie qui existe déjà et qui fait pour le coup partie de l'économie à part entière. C'est cette économie sociale et solidaire qui n'est pas en recherche à tout va d'une lucrativité, peu importe les moyens. Et c'est bien l'inverse qui est en cours et qui fait que l'argent est un moyen et pas une finalité. Fatima, vous parlez beaucoup d'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'on peut caractériser un peu ce terme ? Et en plus, moi, j'aurais tendance à vous poser comme question de savoir pourquoi parmi les structures de l'ESS, on retrouve souvent des modèles coopératifs et même, j'irai un peu plus loin en disant que dans l'ESS, on se retrouve, même si en général l'engagement est là, parfois à être un peu avec des torchons et des serviettes et que un premier filtre dans la pertinence de l'action est de repérer les structures qui sont coopératives parce que c'est en général un marqueur assez fort de leur intégrité, de leur engagement. Est-ce qu'on peut revenir en trois temps, s'il vous plaît, sur qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire et pourquoi ce modèle coopératif, ça fait partie vraiment des marqueurs d'engagement de ce modèle économique ? Alors, l'économie sociale et solidaire, en fait, c'est l'économie en fait, qui regroupe les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations. Donc c'est cette économie qui regroupe, c'est l'équivalent, je crois, de 2 millions de salariés et qui représente à peu près 12% de l'emploi privé. En PIB, quand on en parle, c'est à peu près l'équivalent. Donc c'est assez important, hein, c'est l'équivalent de gros secteurs en fait dont on parle souvent et on met un peu de côté l'ESS. Et on la met un peu de côté parce qu'elle a ce côté transversal, c'est-à-dire que dans l'ESS, vous pouvez avoir de l'industrie, du BTP, des services. Donc c'est pas un secteur en fait, hein, c'est très transversal. Ce qui fait l'économie sociale et solidaire, c'est quelques points très importants qu'on va retrouver quelles que soient ces familles. C'est la gouvernance partagée, c'est la répartition des richesses et c'est ce qu'on appelle l'impartageabilité des réserves, c'est-à-dire que vous avez une entreprise collective, quand je dis entreprise, hein, c'est y compris une association, qui appartient à un collectif et jamais à un individu en particulier. Et donc sur l'engagement de ce modèle coopératif, pourquoi ça permet d'être aussi intransigeant et ambitieux à la fois que de décider dès l'origine que sa structure sera coopérative ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde coopératif, il existe un peu plus d'une vingtaine de familles coopératives, hein. Vous pouvez avoir les coopératives agricoles, les coopératives maritimes, les coopératives de HLM. Moi, je représente en fait les sociétés coopératives, les SCOP et les SIC. Donc, ces sociétés en fait qui ont un statut de SA, d'SARL ou de SAS. Donc, c'est ce que vous allez retrouver comme entreprise assez classique, hein, qu'on voit, voilà, une entreprise du numérique, elle peut tout à fait se mettre en scope, par exemple. C'est ce qu'on sait peu, en fait, hein. On pense toujours que la scope, c'est pas, enfin voilà, c'est entre ceux qui pensent que c'est une association ou ceux qui vont penser que c'est vraiment dédié à un secteur particulier, ben non, en fait, la scope, la vraie différence qu'elle va avoir avec toutes ces entreprises que vous avez, ben voilà, le commerce, le restaurant, l'EHPAD, l'entreprise industrielle du coin, etc. Toutes ces entreprises, en fait, pourraient tout à fait se mettre en scope. La différence qu'elles vont avoir avec les entreprises dites classiques, c'est que dans les scopes, vous avez au niveau de la gouvernance, une gouvernance qui est une gouvernance partagée sur le principe d'une personne, une voix. Et puis, vous avez une autre différenciation qui est garantie par les statuts, c'est que les bénéfices que vous faites, vous avez des obligations à minima à respecter, qui sont au nombre de 3. C'est de réinvestir dans l'entreprise, c'est le premier point, c'est de reverser une partie de votre bénéfice en participation aux salariés. Et puis, la troisième, qui n'est pas obligatoire, mais qui est aussi une possibilité, c'est d'affecter vos dividendes aux associés. Alors ça, de manière très, très classique. Mais comme c'est le capital, hein, les associés sont composés, en fait, forcément par des salariés, puisque au moins 51% du capital doit être possédé par les salariés, bah, vous voyez, vous avez quelque chose de très vertueux, puisque en fait, vos bénéfices sont là à la fois pour assurer l'avenir de votre entreprise, puisque vous êtes obligé de réinvestir, et puis la production en fait de ces richesses revient aux associés qui sont essentiellement les salariés de l'entreprise. Je continue à vous poser des questions qui vous doivent vous sembler tout à fait simples, hein, Fatima, et vous m'en excuserez, mais je trouve justement que ce qui est passionnant avec ce modèle coopératif, c'est qu'il révèle plein de vertus et qu'à la fois, il est trop méconnu. Et comme vous le disiez, hein, on peut être une banque, on peut être une coopérative ferroviaire, on peut être impliqué dans le milieu de la télécommunication, on peut être au contraire très dynamique dans le secteur de l'énergie. Bref, c'est pas, peu importe la thématique, le modèle coopératif peut permettre de l'accompagner et c'est un modèle qui existe depuis longtemps et qui est vertueux en plus économiquement. Est-ce que vous pouvez me raconter en plus peut-être au regard des crises là et des expériences que vous avez accumulées ces 2-3 dernières années, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi en plus le modèle coopératif il est particulièrement adapté à ces périodes de crise et il peut permettre d'être résilient économiquement et puis peut-être aussi me dire qu'en fait encore une fois c'est un modèle qui existe depuis très longtemps et qui permet parfois d'avoir des structures qui existent des dizaines voire des centaines d'années grâce à cette capacité à impliquer en fait toutes les personnes dans le projet. Je vais peut-être commencer par l'histoire puis je continuerai sur la résilience, mais le modèle coopératif il a plus de 140 ans maintenant. Et si je prends les scopes en particulier, mais on retrouvera la même chose au niveau de l'ESS, c'est que c'est parti en fait de, on aime bien parler de la base, mais si je prends l'exemple des scopes, ce sont les ouvriers qui ont décidé de se retrouver à plusieurs pour créer leur entreprise parce que les crises qu'on a pu rencontrer, y compris au 19e siècle, faisait que ben, du jour au lendemain, il n'y avait plus de patrons. Et donc, c'est comme ça que le modèle coopératif et le modèle des scopes est né. Et vous avez la même chose pour les autres familles de l'économie sociale. Hein. Je prends l'exemple des mutuelles. Les mutuelles se sont créées à l'initiative, pareil, de sociétaires qui n'étaient pas encore des sociétaires, mais qui ont décidé de mutualiser sur les questions de santé des moyens ensemble pour pouvoir prendre en charge sur des questions de santé la population. C'est ce qui a donné d'ailleurs le modèle de la sécurité sociale qui n'est arrivé que, je ne sais plus, je crois que c'est 60 ou 70 ans après les premières mutuelles qui se sont créées. Les banques, c'est pareil. Les premières banques coopératives, c'est le Crédit Agricole. Les Crédits Agricoles, ce sont des agriculteurs qui se mettent ensemble. Donc, vous voyez, en fait, toute l'économie sociale s'est construite comme ça. Et du coup, on arrive à comprendre assez aisément pourquoi ce modèle reste très, très présent, pas suffisamment en termes de notoriété, mais c'est un modèle qui bénéficie, on va dire, d'un affect très fort, puisqu'en fait, ceux qui ont créé, en fait, ont gardé cette ouverture et font que des coopérateurs, effectivement, vont toujours chercher à sensibiliser d'autres futurs coopérateurs. Et donc, le modèle se développe plutôt dans ce sens-là. Bon, après, les questions législatives ont été très importantes. Je pense aux SCOP. Les SCOP connaissent un vrai boom à la fin des années 70, parce qu'il y a la création, enfin il y a la loi de 78 qui permet de faire une loi spécifique sur les SCOP. Et donc il y a déjà une première reconnaissance qui font une notoriété. Et on a vu ça sur le plan législatif aussi avec la loi de 2014. La loi de 2014, alors que toute l'économie sociale commençait à être un peu visible, la loi de 2014 est assez extraordinaire en termes de notoriété, puisque on a pour la première fois une loi qui donne aussi la crédibilité, la visibilité, la lisibilité à l'économie sociale et solidaire. Et en termes de résilience, pour évoquer ce sujet, c'est vraiment intéressant parce que les crises ont montré cette capacité de résilience. On l'avait déjà sur la crise de 2008, qui a été quand même relativement forte et qui a fait qu'on a eu un boom du chômage et puis beaucoup de défaillances d'entreprises. On avait déjà repéré que pour les SCOP, cette crise avait eu un impact beaucoup moins important que pour l'économie en général. Et ça s'explique de manière assez simple, c'est que ces entreprises sont détenues en fait par les salariés qui ont accepté de faire beaucoup de sacrifices pour sauver leur entreprise. Et donc, collectivement, ils ont pu prendre des décisions qui étaient relativement difficiles, comme baisser leur salaire, se remettre au travail dès que des contrats rentraient. Enfin voilà, il y a eu une solidarité qui se met en place en fait sur les temps de crise qu'on a vu à nouveau avec la crise sanitaire qui s'enclenche assez rapidement et où les salariés donc se décident en fait ensemble de l'avenir et de l'engagement qu'ils veulent avoir pour leur entreprise. Ça, c'est vraiment le fait générique qui démontre cette résilience. Et j'anticipe, alors c'est peut-être pas votre question, mais souvent on m'interroge en me disant « Ah oui, mais quand même, il y a quand même des SCOP qui disparaissent. » Oui, c'est des entreprises comme n'importe quelle entreprise, dans le sens où elles font face à un marché et que parfois, même si on a tous très très envie d'être compétitif, voilà, vous avez des tournants, si vous ne les prenez pas sur le plan stratégique, vous vous retrouvez en difficulté. Et donc, nous avons évidemment, comme n'importe quelle entreprise, des défaillances. Mais moi, j'insiste sur le fait que sur ces périodes de risque, nous résistons de manière plus forte. Et on l'a vraiment vu là sur la période du Covid, où il s'est passé quelque chose qui était assez étonnant, y compris pour nous. On était très, très inquiets à la fin de l'année 2020, parce que nos entreprises s'étaient arrêtées toutes pendant 2-3 mois. Et en fait, c'est une année où on a eu de la création d'emplois, ce qui est assez paradoxal. Mais quand il a fallu reprendre, ces entreprises qui ont, je pense au BTP par exemple, qui a eu une baisse significative de son chiffre d'affaires annuel, a eu une baisse qui était de l'ordre de 7%, quand le milieu du bâtiment en général a eu une baisse de 15%. Et ça s'explique vraiment par les salariés qui composent en fait les associés, hein, qui du coup dans les décisions stratégiques n'ont pas hésité à reprendre le travail dès que ça a été possible. Ouais, c'est effectivement une bonne illustration de la résistance de ce modèle coopératif, et là en l'occurrence de ce dont vous parlez avec les SCOP. Et ça a été aussi souvent une réponse à l'effondrement d'entreprises, là en l'occurrence privées, où les intérêts étaient seulement partagés par quelques-uns. On l'a vu par exemple avec l'effondrement un peu économique qu'il y a eu, je dis un peu, mais en fait l'effondrement économique qu'il y a eu en Grèce il y a une dizaine d'années. Il y a beaucoup d'entreprises qui avaient fermé et qui ont été reprises par les salariés sous format de coopérative. Et en France, on a aussi assisté à quelques transformations emblématiques. Alors celle à laquelle je pense tout de suite, c'est Scopti qui du coup était parti pour fermer, et puis les salariés se sont mobilisés et ont ouvert une coopérative. Mais rien qu'en fait, à côté de chez moi, il y a une librairie qui a fermé et qui a en fait été reprise par les salariés sous format de coopérative. Donc la SCOP, c'est aussi le modèle d'après, et ça montre que quand parfois le modèle économique classique montre ses limites, parce que vous le dites en creux dans votre réponse, les simples intérêts économiques sont vite dépassés par les enjeux d'une crise gravissime, et deux crises gravissimes avec des S, même comme nous les enchaînons actuellement. Et bien derrière, les salariés, parce que en fait leur travail, leur mission, leur utilité dépasse la simple croissance économique, eux se remettent au travail. Et d'ailleurs, ça amène ma question sur l'intérêt du modèle coopératif au niveau des vies, au niveau des salariés. J'aimerais que vous me racontiez, Fatima, pourquoi ce modèle coopératif, il a un impact positif sur les salariés, et pourquoi leur quotidien professionnel est sans doute plus épanouissant que s'ils avaient été dans une entreprise, on va dire, classique. Alors, si vous permettez, je vais juste préciser une chose sur la reprise d'entreprise en difficulté par les salariés, parce que c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant dans le sens où effectivement les salariés sont une voie à laquelle on ne pense pas forcément. Mais ce qu'on a essayé surtout de communiquer ces dernières années, c'est que sur la reprise d'une entreprise en difficulté, c'est extrêmement difficile, y compris par les salariés. C'est extrêmement difficile parce qu'une entreprise qui a été en difficulté, c'est qu'elle a été confrontée souvent à des difficultés liées à son marché. Bon, après, il peut y avoir aussi des erreurs de gestion. Mais j'allais dire, et ça c'est peut-être le moins compliqué à surmonter, mais quand une entreprise est en difficulté à cause du marché, parce qu'il y a eu un tournant, je pense par exemple dans le monde du numérique, hein, il suffit de ne pas prendre le bon tournant et l'entreprise, c'est ce qui cause les défaillances, etc. Et donc, on a un taux de pérennité qui est extrêmement bas pour les entreprises en difficulté de manière générale. Nous, on a constaté qu'on avait un taux qui était un peu plus important, mais qui reste quand même de l'ordre de 70%, alors que la moyenne, ça doit être l'équivalent de 60% à 5 ans. Et vous voyez, on est un peu au-dessus, mais ce n'est pas non plus le truc de fou, mais tout simplement parce que voilà, c'est le marché. Ce que nous, on veut surtout mettre en avant, c'est que les salariés peuvent reprendre leur entreprise dans d'autres cas de figure. Et notamment quand l'entreprise va bien. Et le cédant, vous savez, il y a des entreprises qui se vendent tous les jours, ne pense jamais en fait à ses salariés. Et ces dernières années, on a aussi beaucoup communiqué sur ça, parce qu'en fait, des salariés qui reprennent leur entreprise, quand elle va bien, ils la rachètent. En fait, ce n'est pas un cadeau. Hein, quand on revend, on attend d'être payé en fait pour ce qu'on vend. Ben, pour une entreprise, parmi les acheteurs, les cédants y pensent assez rarement, mais les salariés sont aussi des acheteurs potentiels. Et moi, j'invite vraiment tous les cédants à regarder en fait du côté des salariés. Bon, après, tous les salariés ne veulent pas acheter leur entreprise, mais C'est beaucoup plus courant que ce qu'on imagine, hein, y compris pour les salariés qui ne pensent pas un seul instant qu'ils pourraient acheter leur entreprise. Et là, quand je vous parlais tout à l'heure de nos outils financiers, ils aident de plus en plus en fait des salariés à racheter donc eux-mêmes les entreprises qui vont bien et dont le cédant part à la retraite ou le cédant part vers de nouvelles aventures. Ça, c'est dit. Que je voulais évoquer. Voilà, parce qu'on parle souvent des entreprises en difficulté alors qu'on peut vraiment racheter son entreprise, y compris quand elle va bien. Et donc, du coup, sur l'impact sur les salariés et pourquoi être salarié d'une entreprise coopérative rend le travail plus utile, plus rempli. Plus utile et plus épanouissant, ben, on le comprend assez vite. Hein. C'est-à-dire que quand on est salarié dans une coopérative, on a souvent la double qualité. Alors, ce n'est pas le cas de tous les salariés, mais le taux de sociétariat dans nos coopératives, il est de 76%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 76% des salariés, des emplois coopératifs, en fait, les salariés ont cette double qualité d'être à la fois salarié et d'être associé. Et quand on est associé, ça veut dire qu'on participe à la gouvernance de l'entreprise. Et participer à la gouvernance de l'entreprise, c'est décider en fait des orientations stratégiques de cette entreprise. Alors, plus la taille d'une entreprise coopérative est importante, plus les décisions stratégiques sont organisées de manière très structurelle. Hein. On n'est pas tous les jours autour d'un café à décider de ce qu'on va faire parce qu'il faut produire, mais il y a des temps organisé dans l'entreprise qui sont extrêmement importants, qu'on va débattre en général à minima dans le cadre de son assemblée générale annuelle et puis plus régulièrement dans le cadre du conseil d'administration de l'entreprise ou si l'entreprise est en statut, plutôt une petite entreprise en SARL, donc entre associés, vous allez pouvoir échanger sur les orientations que vous allez prendre. Ça, forcément, vous participez en fait à la direction que vous prenez dans l'entreprise. Donc, c'est beaucoup plus impliquant et qui dit être impliqué dans son entreprise est un marqueur très fort en termes d'épanouissement. Alors, ce qu'on évoque assez souvent, nous, quand on accompagne les entreprises, c'est l'importance hein, d'animer cette vie coopérative. Parce que ça se décrète pas, hein. On ne devient pas coopérateur, on devient coopérateur parce qu'on a été formé, mais on ne naît pas coopérateur, pour reprendre la formule féministe, on ne naît pas femme, on devient. Mais du coup, là, c'est exactement la même chose, et donc trouver sa place, voilà, quand je suis salarié, j'ai mon contrat de travail, je suis là pour des missions, etc. Et puis quand je suis associé, ben je participe en fait aux orientations de l'entreprise. Et en ça, c'est un véritable impact, puisque les salariés se sentent pris en compte pleinement et participent très fortement. On a fait des enquêtes, alors c'est pas nous qui les avons fait directement, mais il y a des baromètres qui existent notamment sur la qualité de vie au travail. Et dans ces baromètres, on se rend compte en fait que la qualité de vie au travail est mieux, à des mesures plus fortes dans les entreprises coopératives comme les SCOP et les SIC que dans l'économie en général. Et c'est essentiellement lié à ce type d'implication. Et ensuite, il y a un autre point qui est assez intéressant, qui est toujours intéressant de regarder, c'est que c'est la taille de l'entreprise qui va aussi avoir un impact, parce qu'on nous renvoie aussi beaucoup la question de la qualité de l'emploi, alors de manière générale, à l'ESS. Et ce que je renvoie souvent, c'est que c'est important de se comparer. Et c'est vrai que quand on est une toute petite structure, qu'on vient de se créer, on n'a pas forcément les mêmes moyens qu'une très grande entreprise. Et que cette structuration, cette qualité de vie au travail, elle se construit à la fois avec l'ancienneté et avec la structuration et la professionnalisation qu'on va pouvoir avoir au niveau d'une entreprise. Et c'est évident que ces deux facteurs pour une entreprise coopérative ont un impact qui est beaucoup plus positif pour les scopes que pour l'entreprise lambda. On parle d'amélioration de la qualité du travail. Est-ce qu'on parle aussi d'augmentation de la quantité d'emplois fournis par les scopes? Est-ce que une coopérative, une entreprise coopérative pour la même activité qu'une entreprise, je vais encore utiliser le mot classique, excusez-moi, mais du coup, permet la création de plus d'emplois. Et puis après, on m'a, moi, mis en avant la création d'emplois spécifiques liés à ce modèle, comme chargé d'animation de la vie coopérative. Est-ce qu'il y aurait d'autres métiers qui seraient vraiment liés au modèle que vous défendez, Fatima? Je vais prendre l'exemple que vous venez de donner, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est apparu... Il n'y a pas si longtemps que ça, hein, les délégués à l'animation de la vie coopérative ou chargés de mission, peu importe, etc., commencent à bien se développer depuis une bonne dizaine d'années. Et pourquoi ce métier est apparu? Parce que effectivement, ce travail à la fois de formation et de faire participer tous les salariés à la vie d'une coopérative est un facteur en fait de performance économique pour l'entreprise. Et donc autant quand le métier a émergé, enfin quand il est apparu, c'était plutôt de manière assez pragmatique, en lien avec la taille d'une entreprise qui se rend compte que on fait pas de l'animation de la vie coopérative de la même manière quand on est 10 ou quand on est 100, voire plus. Et donc, il faut professionnaliser. Et donc, ce métier est apparu plutôt pour des entreprises qui avaient une taille relativement importante. Et en fait, on se rend compte sur ces dernières années que non seulement le métier se développe, mais que les attentes en termes d'animation de la vie coopérative sont de plus en plus fortes parce que c'est vraiment... un axe en fait de performance économique. On va avoir aussi d'autres créations d'emplois dans le milieu coopératif qui sont liées en tout cas à faire connaître le modèle pour lequel l'entreprise a opté. Donc on va avoir dans des chargés de mission qu'on avait plutôt de manière institutionnelle en charge des partenariats. Et la traduction, c'est qu'effectivement, mettre en avant dans l'entreprise que l'entreprise est une entreprise coopérative est devenu une image de marque aussi vis-à-vis de l'extérieur. Parce que vous allez montrer que vous avez la préoccupation du bien-être de vos salariés. Et puis, vous allez aussi montrer que c'est tout à fait compatible avec la performance de votre entreprise. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de scopes qui mettent en avant dans leur dimension marketing et commerciale quelles sont des coopératives, en s'appuyant en fait sur ces qualités-là. Et donc, c'est un métier qui se développe pour montrer à la fois la performance et puis... cette dimension intérêt pour ses équipes, pour l'humain, qui devient un avantage concurrentiel, y compris vis-à-vis d'extérieur. Vous disiez, Fatima, qu'on n'est pas coopérateur, on le devient. Qu'est-ce qui est mis à disposition des personnes qui nous écouteraient, des entrepreneurs, pour justement se former à la vie coopérative? Est-ce qu'il y a des formations, des modules, peut-être des MOOC qui existent pour réussir à passer le pas et à monter en compétence à ce sujet? Donc la Confédération Générale des SCOP a créé elle-même un poste de délégué national à l'animation de la vie coopérative il y a un peu plus de 2 ans. Alors il existait déjà des modules de formation, mais on souhaitait aller beaucoup plus loin en s'appuyant sur tous les outils qui avaient été créé par nos unions régionales qui accompagnent du coup les SCOP et les SIC. Et notamment dans ce qui existe aujourd'hui, c'est un guide en fait, un guide des bonnes pratiques de la vie coopérative. Et puis donc ce guide aujourd'hui, il est en train de transformer sous format digital, on est en plein dedans. parce qu'il est très, en fait, on se rend compte qu'il est vite épuisé et que le papier, c'est plus tout à fait ça. Donc, il sera en ligne, je crois, fin septembre. Ouais, on va être à peu près dans ça. Ensuite, ce qui existe et qui est vraiment un plus pour les SCOP et les SIG, c'est les formations. On fait des modules de formation. Et ces modules de formation, ils sont d'autant plus pertinents que, un, on est beaucoup sur les techniques d'animation de la vie coopérative, pardon, et puis surtout, on est sur l'échange de pratiques. Et ça, les SCOP et les SIC, cette deuxième partie de la formation est pour elle encore plus importante, parce que ça les ouvre sur des pratiques qui sont pas forcément les mêmes. Vous savez, quand vous parlez d'animation de la vie coopérative, c'est pas très compliqué, hein. Vous allez dans l'animation d'une vie coopérative, voir un peu comment, dans le cadre d'un conseil d'administration ou dans le cadre de réunions d'associés, travailler sur les points importants à partager, à construire ensemble pour notamment préparer la vision stratégique de l'entreprise. Donc, vous êtes sur des choses qui sont assez, à la fois assez classiques, mais qui peuvent prendre différentes formes et surtout impliquer de manière très très différente les salariés. Les questions qui reviennent très très souvent, c'est est-ce que, je ne sais pas, vous êtes dans une entreprise industrielle, est-ce que les ouvriers des lignes de production peuvent vraiment apporter une plus-value dans l'animation de la vie coopérative? Ben, en fait, tous ceux qui le font sont assez unanimes de ce côté-là et donc disent effectivement que c'est une vraie plus-value. Par contre, c'est un vrai travail parce qu'il faut accompagner en fait ces salariés sur le fait qu'ils vont pouvoir apporter une plus-value. Et donc, vous avez aussi des salariés qui pensent que non, trouvent ça très très bien, mais par contre, ils sont persuadés qu'à leur échelle, ils ne vont rien apporter. Et donc, ces outils sont vraiment très intéressants parce qu'ils permettent d'ouvrir un champ des possibles en échangeant sur ce que fait telle et telle entreprise. Et donc, ces formations sont extrêmement intéressantes de ce point de vue-là. Et on n'a jamais fait de MOOC jusqu'à maintenant sur... on en a fait un peu sur le multisociétariat, mais qui renvoie aussi à des questions d'animation de la vie coopérative, mais qui était plus large et qu'on n'a pas réactualisé pour le moment sur le multisociétariat. Donc, mais à l'avenir, certainement qu'on s'y repenchera. J'ai deux dernières questions pour vous, Fatima. La première, c'est pour les personnes qui nous écoutent, là, qui sont... enthousiaste à l'idée de faire advenir ce modèle économique du bien commun. Qu'est-ce que vous leur conseillerez comme action supplémentaire pour tirer la France du côté qui nous intéresse? De s'investir dans ce type d'initiative, de penser au modèle coopératif auprès, en tout cas tentant en essayant de le promouvoir qu'en se lançant directement. Aujourd'hui, il y a pas mal d'incubateurs d'innovation sociale, par exemple, qui couvrent à peu près le territoire. Moi, j'ai envie de les inviter à vraiment opter pour ce statut parce que il n'est pas assez connu et que la dimension patrimoniale de l'entreprise reste un enjeu fort et prioritaire par beaucoup d'entrepreneurs. Mais pour tous ceux qui ont envie de participer à ce que je suis en train d'évoquer, ce modèle est résistant. Parfois, il faut produire. Enfin, il faut avoir un modèle économique robuste. Et le modèle coopératif permet aussi donc d'atteindre d'autres objectifs de partage de la valeur. Et néanmoins de performance économique. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de leur dire. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense que justement, dans les nouveaux métiers de demain, ces nouveaux métiers de demain demandent en tout cas à être assez clairvoyants. Et je trouve que pour être clairvoyant à plusieurs, c'est quand même plus facile. Ça permet de ne pas s'enfermer dans des tours d'ivoire et... les plus beaux projets que j'ai pu voir en matière d'innovation ont été souvent portés par par des collectifs qui ont transpiré les premières années pour trouver le bon modèle économique, mais qui ont su en tout cas créer un modèle économique robuste. Et je trouve que le modèle coopératif en ça est très performant. Quelles ressources vous nous conseillez, Fatima, pour continuer à creuser cette question de l'impact des coopératives sur l'économie, sur notre territoire, sur l'histoire? Est-ce qu'il y a des documentaires, des livres, des ouvrages que vous recommandez, des magazines, des interviews, des TED Talks, je ne sais pas, qui nous permettraient d'élargir notre vision et de mieux comprendre cette dynamique-là inarrêtable du modèle coopératif? Oh ben, je vais parler de notre dernier ouvrage. Alors, on n'est pas un producteur d'ouvrage hein, à la CGSCOP, mais justement, puisqu'on évoquait le monde d'après, on l'a traduit notamment à partir d'un temps de débat qu'on a eu le plaisir d'avoir avec Benoît Hamon, l'ancien ministre de l'économie sociale et solidaire, du premier d'ailleurs ministère dans cette, enfin voilà, d'économie sociale plein et entier, on va dire un ministère plein et entier. On a eu un débat vraiment intéressant sur la citoyenneté économique et on en a tiré un ouvrage collectif et donc je vous le conseille vivement. Le titre, c'est la citoyenneté économique peut-elle sauver le monde, dont j'ai fait la conclusion. Et dont la... Mais voilà, qu'on a impulsé parce que ces réflexions nous ont beaucoup travaillé en interne. Donc, l'introduction a été écrite par le président de la CGSCOP, Jacques Landriot, qui est l'ancien PDG du groupe UP, qu'on connaît plus sous le nom de Chèque Déjeuner, qui est une SCOP internationale. Et du coup, on a 8 contributions, des contributions notamment... de Laurent Berger, de Jérôme Sadier, de Benoît Hamon, de Laurence Ruffin, qui est PDG d'une belle SCOP dans le numérique, de chercheurs aussi, comme Dominique Méda, Blanche Ségrestin, Isabelle Ferraras, je vais oublier des personnes forcément, mais voilà, on a une dizaine de contributeurs, Eva Sadoun aussi, du mouvement Impact France, Pascal Demurger, le PDG de la Maïf, et on a cherché effectivement à écrire ce qu'on entendait par la citoyenneté économique, c'est-à-dire qu'on pense que l'économie peut avoir un côté vertueux tout en étant producteur de richesses, et cet ouvrage, je le recommande très fortement aux éditions Les Équateurs. Y compris ces éditions ont été magiques pour nous, hein, parce que, d'une part, ce n'est pas une édition dédiée à l'économie sociale et solidaire, parce que comme on ne prend pas toujours très au sérieux l'économie sociale et solidaire, ben, on a nos propres maisons d'édition, sinon on n'aurait pas beaucoup de bouquins. Et là, c'est une éditrice qui publie plein de choses très, très intéressantes. Et quand on lui a parlé du sujet... Elle nous a dit non seulement c'est intéressant, mais je pense que vous parlez d'économie de demain, donc je vais vous publier. Est-ce que vous avez d'autres ressources, Fatima, qui sortent peut-être un petit peu aussi de la CGSCOP, qui peut-être vous ont inspiré aussi personnellement? Il y aurait beaucoup de. Alors en termes d'ouvrages, qu'est-ce que je pourrais donner sans. Alors, je vais vous parler à nouveau d'un des contributeurs, mais je trouve que le bouquin qu'il vient d'écrire et qui est sorti juste après La citoyenneté économique, c'est l'ouvrage de Jérôme Sadier, qui est le président de SS France, qui représente et fait la promotion en fait, de toute l'économie sociale et solidaire, et qui a écrit un ouvrage que je trouve vraiment intéressant. Alors, j'ai oublié le titre, mais... C'est l'économie sociale et solidaire peut-elle réconcilier plus globalement l'économie, et qui montre en fait que dans le modèle aujourd'hui dominant de ce qu'est l'économie, vous avez cette voix qui est trop sous-représentée. Et je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'elle parle plus globalement de ce qu'on a évoqué au travers des coopératives, mais aussi du monde associatif. et du monde associatif, notamment en tant qu'employeur, et puis des mutuelles. Et il a une approche, je trouve, extrêmement enrichissante sur comment cette économie sociale, justement, peut aussi renvoyer, je vous le dis avec mes mots, des ondes à la fois positives et structurantes pour faire face aux urgences que nous avons aujourd'hui, l'urgence écologique, mais aussi l'urgence sociale. Voilà, donc je recommande aussi beaucoup, beaucoup cet ouvrage. Et puis après, vous pouvez aussi venir sur les différents sites hein, de ces grands acteurs de l'économie sociale. Je trouve qu'ils sont assez, c'est assez inspirant d'aller, d'aller sur les sites pour voir ce que ça représente et quel type d'entreprise. On a une diversité, assez incroyable pour aller beaucoup plus loin. Voilà. Ouais, le manifeste des licornes, dans ce sens-là, est assez représentatif de cette hétérogénéité et de cette dynamique hein, proposée par toutes les coopératives de ce milieu. Je vous remercie, Fatima. Merci à vous. Ça y est, cet épisode avec Fatima Bellaredge vient de se terminer. C'est un épisode que j'attendais depuis pas mal de temps parce que c'est vrai que souvent, dès qu'on parle de métier, on parle d'économie et alors là, on doit être sérieux et donc, comme le dit très justement Fatima, les gens sérieux en général mis en avant sur les plateaux, ce sont les ardents défenseurs du modèle libéral, du modèle ultra-libéral, comme si, comme le disait Margaret Thatcher, il n'y a pas de modèle B, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas d'économie B, il n'y a pas d'alternative. Alors que si, en fait, des alternatives, il y en a plein et il n'y a pas à les inventer, elles existent tout autour de nous et c'est pour ça que je suis aussi heureux d'avoir enfin réussi à donner la parole à Fatima qui, à travers son expérience de délégué général de la Confédération Générale des SCOP, nous montre qu'au contraire, il y en a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'exemples d'une économie qui redéfendrait à 100% le bien commun et qui permet en réalité de dépasser les simples objectifs de croissance économique. Et puis en plus, comme l'a dit Fatima, on peut tous et toutes se former à ces sujets et la vie coopérative, en plus de redonner du sens dans chacun de nos quotidiens professionnels, nous permet en plus d'être beaucoup plus efficaces dans la génération de plein d'autres valeurs, encore une fois, oui, forcément économiques, mais aussi de solidarité, de créativité, de liens, de sentiments d'appartenance sur un territoire qui font qu'on a tout intérêt à en faire le modèle dominant le plus rapidement possible. Voilà, comme d'habitude, moi je vous dis merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci de porter les 2030 Glorieuses aussi haut. C'est grâce à vous aujourd'hui qu'on arrive de plus en plus à reprendre le pouvoir de nos imaginaires et accepter le pouvoir des utopies. Et forcément, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !